60 et 10% pour 100%. Chaud, radio, classable, le moins. Moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 60 et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, j'avoue présentement 70%. Bonne écoute. 70%. Nous sommes là, par la magie des internets. Hey, sapristi! On a le background de Johnny, mais ça va arriver. Je voulais vous mettre un speedrun que j'aime beaucoup, celui de Mario Bros. 2. Le Mario Bros. 2 qui était même pas un Mario, mais qui a été comme muté. J'ai un petit peu ça le terme technique exact. Bienvenue tout le monde à 70%. On est une journée quelque part en l'année 2014. C'est quoi qui se passe? On est le mois de janvier. 13 janvier. 13 janvier, c'est... Toute une date. Toute une date. Toi, tu nous trouves des hauts faits de la semaine, c'est bon. Ouais, ben je rage, là. Ah, c'est bon, t'as amené un journal gratuit. Oui. Hey, ça me fait penser à une blague ici, je l'ai, là. C'est, je vous imite un nom d'un acteur, puis vous essayez de trouver c'est qui, OK? Oui, voilà, c'est... on a un peu la réponse. Mais... Bien, géré pour Shia LaBeouf. Yeah! Voilà! C'est bon, t'es pas mal bon. Oui, écoute, fallait être vite, fallait être très vite. Ah ouais, sinon, encore une fois, cette semaine, je suis très content de vous informer qu'on a un long métrage à showcaser. On en parlait après l'émission. Ce soir, c'est Death Warrior. C'est un film qui s'appelle réellement Death Warrior et c'est la version française de Death Warrior. Ah. C'est un film canadien que on a tous contribué un petit peu à notre façon. C'est vrai. Et, je me rappelle de ça. On t'a signé. Et rendu là, ça donne un film de tournoi qui se déroule entièrement dans l'arène de la mort. On est donc en zone très confortable, oui. Quelque chose qu'on adore à douteux.org. L'arène de la mort, qui, on le rappelle, n'a qu'une seule loi. Sinon, c'est vrai, c'est la règle première de la reine de c'est la mort. C'est tout le temps ça. C'est la seule, ouais. On va en reparler un petit peu plus tard dans l'émission. Sinon, ben, il y a Mathieu, tu nous parles de quoi cette semaine, Mathieu? L'intolérance. Tommy, c'est intolérable. Pour les gens intolérants, si je suis plus capable. Moi, je t'annule. OK, toi? Je passerai. Après d'un mur pour te défouler. T'as plus de tolérance pour les intolérants, genre. Non, OK, je comprends. Moi, je crierais bien fort au monde entier. C'est pas malin, hein? Ouais, j'aime ça, Bruno. Il vient d'arriver, il travaille fort. Bruno, t'as mis tes culottes. Sueur, hein, habillé comme un cowboy. Bruno, c'est-tu qu'on appelait Bruno Dégagné dans le temps. Mec. Oui, bon, il a changé. Dans ton dos, là. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est quand même pas une fierté en manchette ce soir, de tout ça vite fait. J'ai beaucoup de brèves, beaucoup de brèves. Beaucoup de brèves nouvelles. Il y a beaucoup de stocks ce soir. Je suis très content d'ailleurs. Je regardais les photos en montant le show et à toutes les fois, tu sais, j'espère le vol de dépanneur et là... on est dans... On est pas loin? Ouais, je sais pas où, j'ai juste l'image. Fait qu'on espère. On a Giz à la console pour le show de ce soir. Giz, salut, Gizou. Qui termine d'ailleurs un clip qu'on a tourné en décembre et que j'ai bien hâte de voir. C'est, moi, je fais le Capitaine Haddock. Ah oui, j'ai passé plein de photos de ça. Ouais. J'ai hâte de voir ça, moi aussi. Non, mais c'est correct, c'est comme le trailer, mais c'est moi qui le dis. Ah, OK. Puis toi, Étienne, dans le fond, tu commences avec ton top 5 aujourd'hui. On fait tout ça, là? Oui, ben en fait, avant le top 5, j'avais quelque chose que je voulais mettre au clair une bonne fois pour toutes. Je voudrais qu'on s'entende puis qu'on définisse une règle officielle de jusqu'à quand qu'on se dit bonne année. Okay. Ça, c'est vrai, ça. Parce que moi, ça m'énerve. L'incertitude me tue à chaque fois. Faut-tu se dire bonne année? Mm-hmm. Tu sais, mettons, tout le monde dit la première fois que tu le vois dans l'année, tu dis bonne année. Mais là, mettons que tu vois quelqu'un yank au chalet au mois d'août, une fois par année, tu dis-tu bonne année quand t'arrives? Puis là, les gens, peut-être. Si tu le vois le 1er août, tu souhaites bonne année du campeur. Bonne année du campeur, mais sinon, la vraie année, tu sais. Si tu le vois en juillet, en qu'est-ce quoi, tu l'année fais, du t'sais? Campeur? Fait que tu sais, qu'est-ce qui arrive? Ou là, mettons, là, je retourne au travail la semaine prochaine. Là, le monde va sûrement souhaiter bonne année. Mais là, moi, j'aimerais ça qu'il y ait une règle officielle, tu sais, jusqu'à quand on peut. Fait que là, vous en pensez quoi? Où tu veux aller où avec moi, ça? Moi, je dirais 1er février. Fait que tout le mois de janvier, la première fois que tu vois quelqu'un, bonne année. Donc, plus 31 janvier au soir, dernier moment de la compte. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. 31 janvier, 23h50. Un gars qui travaille de nuit le 31, c'est quoi que tu... Tu lui souhaites pas bonne année. OK. Non. S'il arrive après minuit, c'est pas mal. Souvent, il commence à 11h, souvent. Il n'y a rien qu'à passer de mauvaise année s'il travaille de nuit. C'est vrai. J'avoue, tu sais... Moi, je sais pas. Ça fait longtemps que je souhaite plus bonne année dans cette année-ci. Ouais, c'est ça. C'est, ben moi, je me le fais encore souhaiter des fois par email. C'est de temps en temps. Par des collègues. Moi, j'étais d'avis de la première fois que tu vois quelqu'un passer le 1er janvier dans un contexte de fête de jour de l'an. Au-delà de ça, carrément, même pas. Ouais, tu rencontres quelqu'un le 2 janvier, puis c'est pas un party de jour de l'an, ben fuck off. Pas de bonne année. Ah, ouais, toi, t'as le bonne année pas mal. Moi, toi, c'était tête. Senti, toi, tu y crois, genre. Moi j'avais cette idée-là. Mais je suis ouvert aux autres propositions. Non, mais moi, je pense qu'il faut investir à la bonne place. Ça, c'est vrai. Tu fais la job. Fait que là, en tout cas, on va se laisser. Si vous avez des idées à la maison, on veut les entendre. On pourra tous les commentaires. Sur le Facebook de Sot 10% ou sur le chat de Douteux. Là, il y a déjà quelqu'un ici, là, Canamil, qui répond 1er janvier. Fait que carrément, dès que t'es le 2, c'est fini. On y va sévère. Sur les internets, je pense qu'il y a raison. Ouais, ah, c'est vrai que c'est ça. Puis en plus, c'est un drapeau du Canada. Je voulais dire quelque chose. son avatar est un drapeau du Canada. Ouais, fait que c'est sûr que ça donne du poids. 70, moi d'ailleurs, aujourd'hui, je suis vraiment content. J'ai reçu mon calendrier Justin Trudeau. Tu pensais que t'étais off de la liste. Ouais, exactement. Finalement, il me l'a envoyé. Le catalogue Justin Trudeau. Donc voilà, ça va être. J'aimerais ça le voir. Je vais l'avoir chez moi. Comment l'obtenir? Faut que t'habites dans l'arrondissement. Ah ouais? Bienvenue aux dames, exactement. Ça, c'est un bon pick-up line, tu sais. Viens-tu voir mon calendrier Justin Trudeau? J'habite dans sa juridiction. If you know what I mean. C'est quand même le seul politicien qui a eu le courage de se prononcer sur les extraterrestres en longtemps. C'est vrai. Il a promis au monde que le Canada donnerait l'asile à n'importe quel être pensant venu d'une autre planète. Ah ouais, il l'a dit dans un contexte intelligent. Mais il y en a des dangereux, là. Et tu penses à ça? C'est pas. Juste un film. Les petits gris. Le Borg arrive, mettons. Sa, là. Sa politique intergalactique n'est pas de considérer tous les extraterrestres comme des terroristes potentiels. Non, c'est ça. au contraire. Mais c'est quand même courageux, hein. Puis en plus, il a gagné son match de boxe. Fait que... C'est vrai. C'est assez hot. On check. C'est des acquis. Justin Trudeau contre UV Ball. Oh yeah. Je le lance dans l'univers. Oh, on pourrait mettre Chris Isaacs aussi. Là. C'est tous des boxeurs qui sont... En tout cas, premier ministériable. Hein? Disons-le. Fait que là, moi, mon top 5 cette semaine, j'ai décidé d'y aller justement en souhait de bonne année musicaux. Puis là, comme il y en a qui sont ouverts jusqu'au 31 janvier, ben je me sens moins mal. C'était pour ça que tu nous posais la question. C'était pas juste pour ça, mais en même temps, tant qu'à c'était la poser. Bon c'est un beau segway. C'est bon. J'ai apporté 5 façons de souhaiter le jour de l'an ou de célébrer le jour de l'an musicalement parlant. Donc, premièrement, ben il y a toujours la façon religieuse, hein, évidemment. Il y a tout le temps moyen de mêler Dieu à tout ce qui se passe, incluant le nouvel an, qui n'est pas une fête religieuse en théorie. Mais... Non, c'est vraiment du païen de calendrier. C'est ça. Voilà, c'est juste que tu reçois un calendrier de Justin Trudeau et tu célèbres. Ouais. Mais il y a quand même Roger Ménard. Dans son album « Un agriculteur chante Noël », qui est quand même moins intéressant qu'il en a l'air, je le dis tout de suite. J'ai les pochettes qui apparaîtront à l'écran sûrement, mais peut-être que c'est déjà fait, qui nous a chanté « Mon Dieu, bénissez la nouvelle année ». Ah ben oui. Donc, on écoute ça en espérant que ça joue. C'est vraiment un réflexe à ne pas perdre ça, de tout le temps bénir, d'impliquer Dieu le plus souvent possible dans tout. Vous voyez ce genre-là, tu sais. Ça, c'est la 5e entrée dans ton top 5. Ouais, c'est la pochette du gars dans un char avec une étoile sur la pochette. Non, c'est la pochette d'un gars qui se berce sur une chaise berçante avec des raquettes à côté. Elle est rose. Je ne peux pas te tromper. Ils sont normalement dans l'ordre, je crois. Tommy les avait placés. Elle avait travaillé fort là-dessus, mais c'est parce qu'on n'y a pas dit c'était quelle la première. C'est vrai. Je les ai mis en double, tu l'as petite et ensuite grosse. Voilà, voilà. On m'en a parlé cette semaine d'un certain Stéphane Rivard. On est allé voir le show de Papa Chango. Oui, ben oui. Et puis, lui, il était là et il m'a dit, ouais, parce que lui, il faisait des émissions qui s'appelaient Psychotronique dans les années 90 à la radio de CIBN. Oui, puis, lui, il faisait ça. Puis, en tout cas, c'est comme un gars qui aime les mêmes affaires, mettons, que nous autres. Puis, là, il disait, dans un party un été, j'étais en train de faire jouer un agriculteur, je chante Noël. Là, j'ai... Le bon Dieu est pas fou dans le fond. Le bon Dieu est pas fou. Non. Ah, oui. Là, je fais, man, je veux ça. Ça nous le prend. Et puis voilà. Ben, il est arrivé. Il est c'est ça. Voilà. C'est pas super. C'est beaucoup cantique et chant de chorale. Moi, je pensais que ça allait être plus terroir que ça par le nom. Mais bon, c'est ça. C'est... Sinon, t'es pas bien. C'est ça. Puis là, il dit lui là-dessus que ça y a pris un an à faire ça, cet album-là. Puis. Tout en faisant son travail agraire, il se pratiquait puis il enregistrait. Puis tout, puis c'est de la région de Lanaudière. Donc, on les salue bien bas, bien sûr. J'ai grandi là-dedans, moi, ce que j'ai. Il y a quand même beaucoup d'amis, on dirait l'agriculteur. Oui, il y en a plein. Il faut dire quand il a parlé de bon Dieu. Là, ça t'amène des amis, hein? Il y en a qui, ouais, je m'embarque. C'est sûr. Le bon Dieu est certainement pas fou. Donc, numéro 4, mesdames, messieurs, cette semaine, 4, c'est rendu là, la caméra. La nouvelle année de Canel et Pruno. Donc, Canel et Pruno? Canel et Pruno, oh! Voilà. Oh! Actualité! Joke politique et tout! Il y a Doualé qui est tout mêlé à ça tout le temps, puis voilà. Donc, Canel et Pruno, c'est un album de Noël. C'est le volume 6, en fait. Passe-partout, volume 6. Le Noël de Pruno et de Canel. Pruno en premier, comme il se doit. Ben oui. Parce que c'est des jumeaux, mais je suis plus sûr, il me semble que Pruno était, Pruno est sorti en premier de Perline. Je m'en rappelle. Fait que, voilà. Tout ce beau monde-là sortait d'une main. C'est malade. On a eu cette information-là pour vrai? Oui, ça a été dit, ça. Ça a été dit dans un épisode. Oui, c'est canon, je crois. Est-ce que la source est bonne? Je pense que c'était Perline. Ouais, c'est ça. La mère elle-même. C'est sa mère. Ils ont eu la source directement de la source. Oui, exact. Oui, mais des fois, c'est sous, c'est vague. Ben pas sous, je veux dire, sous anesthésie. Tu sais, écoute, là, les vagues. Penses-tu que les médecins, ils ont menti? Si tu veux remettre ça en question, ouais. Tu peux, là. Ma gueule. En attendant, le Noël de Canel et Pruno, Pruno et Canel plutôt, c'est étonnamment religieux, cet album-là. Il joue pas encore. Ouais, Giz me fait des signes. Je voulais juste dire ça avant. Il y a beaucoup de Dieu mêlé à ça. Puis moi, je me rappelais pas de ça. Je me souviens d'avoir entendu ça quand j'étais jeune. Puis quand je l'ai réécouté récemment pour le numériser, c'était beaucoup, beaucoup de Jésus, puis peu de Père Noël. Mais la nouvelle année, ben c'est sympathique. Ça commence par Madame Coucou qui arrive, puis qui sonne à la porte, puis qui dit « Je m'en viens vous souhaiter une bonne année. » Je sais pas si tu peux le monter un peu pour nous, Guise. Bonne année, Madame Coucou! Bonne année! Bonne année, Madame Coucou! Puis là, il y a une pause, puis là, la toune part. Fait que c'est genre de même, celle-là. Pas de Dieu mêlé à ça dans celle-là. Des amis, de la magie. C'est ce qu'il y aura cette année. À partir de quand c'est assez, mais jamais assez. Jamais trop, en fait. Jamais trop et c'est jamais assez. Ça va bien, j'aime ça. Ouais. Fait que l'avantage de cette chanson-là, c'est qu'elle dure seulement 1 minute 9. Ah oui. Fait que, mine de rien, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Excusez-la. Et voilà. Troisième façon de se souhaiter une bonne année, ben c'est dans le temps du jour de l'an par nul autre que Dan Foley. Ah, qui commence par un extrait par rapport d'un conte de Noël. Le sapin de Noël. Allez, au travail. Oui, mais les parents. Le sapin de Noël est une surprise. Ça n'a rien à voir au début de ce tune-là, si c'est mon avis. Au travail. Mais là après ça. Et... Fait que c'est la fameuse toune de La Bolduc que La Bolduc a enregistrée en 1930 et que Dan Foley a repris à sa façon en 2006 parmi tellement d'autres mondes. Il y a des milliers de versions de chansons-là. Moi, je me suis dit, je vais choisir celle-ci parce que c'est la meilleure. C'est elle que La Bolduc aurait dû la chanter. On peut peut-être aussi rappeler au monde qu'il y a un album au complet qui s'appelle Dan Foley fredonne Noël, parce que Dan Foley, d'un bout à l'autre de l'album, oui. Fredonne. Ça a été enregistré, tu sais comment t'avais dit ça, dans son lit. Dans son lit, couché sur le côté, avec son laptop, en se réveillant, hein, je pourrais faire ça. Et ça sonne micro de laptop, là, ouais, ça sonne plus cheap que mon micro ici, là, fait que ça te donne une idée. Et il y en a vendu plus que Jacques Villeneuve en a vendu ou que Annick Jean. Oui, ben Annick Jean, c'est normal, Jacques Villeneuve, c'est étrange, mais Dan Foley, que veux-tu? À un moment donné, il était au Archambault, là, des présentoirs pleins, puis tout, fait que, en tout cas, moi, je l'ai acheté sur zik.ca. Et je n'en suis pas peu fier. Il a fait un petit retour l'année passée ou l'autre d'avant, je ne suis plus trop sûr, avec Dan Foley fredonne La soirée du hockey, un single enlevant. ou enlevable, ça dépend. C'est sûr qu'elle nous troll, là. C'est sûr qu'il n'est pas sérieuse. Puis en tout cas, non, je ne crois pas. Voilà, et voilà, on vient. Tu remets en doute sa démarche artistique. Lève le volume, remets-la encore un petit peu. On va réécouter un bout, c'est réel. Dan Foley. Il met des petits effets de temps en temps. Il y a un remix dance sur cet album-là qui est excellent, puis sur celui de la soirée du hockey aussi. C'est le changement de qualité. C'est le même effet de micro que dans la chanson Loser de Beck, je crois. Voilà. Il a beaucoup été inspiré de Beck pour son travail. C'est classique. Il remercie dans la jaquette, d'ailleurs. Donc ça, c'était mon numéro 3. Maintenant, numéro 2. Numéro 2, c'est la famille de Merce avec la sempiternelle Ce n'est qu'un au revoir qui est tout le temps associée au jour de l'an parce que apparemment on dit au revoir à l'année qui s'en va. Ce n'est qu'un au revoir, nous nous reverrons quand année qui s'en va, je sais pas. Mais qu'on ait fait le tour là. Mais qu'on ait fait, mais qu'on arrive au bout de l'odomètre là, ça va resetter. Ben Bruno. Ça va pas bien. Il veut qu'on puisse revoir l'année. Non, ben, ils disent dans la chanson que nous nous reverrons. Okay, hein. Tu peux garder espoir. Okay. Mais là, j'ai pris la famille de Merce, surtout pour la déclaration du père de Merce au début que je trouve drôlement formulée. Donc, on va écouter ça. Je vais monter un peu mon son et on passe. Ici, Tature. Au nom de la famille du Merce, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année et le paradis à la fin de vos jours. Alors voilà, ici Tature, au nom de la famille de Merce. Fait que ça se prononce la famille de Merce. De Merce, finalement. C'est comme ouais. De Merce. Ouais, mais sauf lui, il dit Tature, donc ici Tature de Merce. C'est le leader de la famille de Merce. Avec la pochette de disque avec un chien entre des barreaux de rampe. Excellent album. Beaucoup de c'est plus jour de l'an que Noël, encore une fois. Ça s'appelle Le temps des fêtes chez la famille de Merce, mais c'est vraiment plus jour de l'an. C'est Rigodon, Zingaling. C'est surtout ça. Donc ça voilà. Compte, en tout cas, avec ce top 5-là, je suis que c'est souvent en plate les tours de nouvelle année. Hein? Ouais, ben souvent. C'est nostalgie. Voilà, faut être triste, l'année s'en va, mais on va la revoir à un moment donné, Bruno, inquiète-toi pas. Finalement, mon numéro 1. Oh. Et numéro 1, là, quand on dit numéro 1, on parle de numéro 1 de toune de tristesse en même temps. Ben, c'est pas de la tristesse, c'est peut-être un peu de l'effroi et de l'angoisse. Hmm. Involontaire en plus, je pense. Ah, ben, il s'agit de la famille Marino. J'ai déjà joué ça ici, mais c'est tellement bon, je la remets. C'est mon meilleur type d'angoisse. Ouais, tu vas voir. C'est Yvette Marino qui va nous chanter Le jour de l'an. Et elle commence sur un ton bizarre. Puis là, il y a le pianiste qui pédale pour essayer de trouver ça dans quelle clé. Puis finalement, il s'entend pour rester en espèce de mineur diminué weird tout le long de la chanson. Ça met de bonne humeur. On écoute ça. Voici Yvette avec sa chanson Le jour de l'an. Là, c'est allé chez mon père pour fêter le jour de l'an. J'ai dit bonjour, ma mère. Mon petit papa est-il absent, assurément? Oui, je l'aurai dans la mémoire longtemps. J'ai dit bonjour, ma mère. Mon petit papa est-il absent? Comme un peu une toune d'Halloween. C'est pour le 1er novembre, le jour de l'an des morts. Oui, je l'aurai dans la mémoire longtemps. S'il n'y avait pas le choix de la laisser, c'est ça. On ne peut pas laisser Babette pour faire ça. On va alors, ils vont y mettre une traque là, vers la fin d'une veillée du bon vieux temps. Parce que. Voilà. Alors, Yvette Marino, là-dessus, je vous souhaite une excellente année 2014 et la santé, hein, parce que moi, je souhaite juste la santé, parce que quand on l'a ça, le reste vient après automatiquement. Hein, je me suis assez fait répéter ça. Donc, voilà. Santé. Bonne année. Bonne année. On s'excuse, Camille. Yvette. Non, c'est vrai qu'il nous avait dit sur le chat qui a passé. Ah oui, ouais, ouais, ouais, Camille Milk, là. Ouais, c'est ça. Ah ouais, puis ouais. Non, on a échappé celle-là. Ouais. Excusez-la. Ben là, nous, on s'est entendu jusqu'au 31. Là, ouais. Non, mais moi, je vote les deux. Là. Les deux en même temps? Je vais avoir une affaire d'intention parce que si t'as des amis chinois aussi, ça peut devenir compliqué. Ouais, c'est ouais. Vrai. Ah ouais, ben là, faut prendre leur c'est calendrier. C'est compliqué. J'ai vu que tu posais des questions sur mes cartes de Magic, Mathieu. Pas du tout. Je vais donc t'expliquer le concept de mon nouveau deck. Que je suis très content d'avoir terminé. Ça a très bien été, j'ai gagné contre un Winnie vert de Infest, donc bon, ça vous dit c'est sûr quelque chose. C'est clair. Underworld Dreams, ça fait qu'à toutes les fois que l'autre personne pige une carte, ben, elle perd un d'énergie, puis là ben, j'ai de quoi pour accélérer puis tout, puis j'ai des mains à vite, ça je suis très content de vous les montrer. Là. Ça, si j'en avais plus, je serais content. C'est une carte qui fait que tu peux la taper, puis là ça bloque comme un monstre. Parce que je l'aime bien gros, je voulais vous parler de ça parce que c'est un petit peu ce que j'ai fait bien, cette semaine. Ce qui est bien aussi, Tommy, c'est que justement, tu sais bien sizer notre auditoire, vu que tout le monde qui est venu ici jusqu'à date, personne n'a jamais joué à Magic. Fait que tu t'es dit de quoi qu'on va parler pour de Magic. Intéresser le monde à Magic. Écoute, là. Non, mais je trouve ça. T'as des couilles, Tommy Godot. C'est moi. Des couilles rageux. Ah, puis d'ailleurs, moi, j'ai autre chose à vous montrer parce que là, on a fini le top de notre ami. Il y a quelqu'un ici qui a une question. Là. Legacy ou Standard? Moi, je joue Legacy, c'est sûr. Il faut jouer Legacy. Et voilà, vous avez la réponse. Le monde qui joue Standard, ils ont des poches trop profondes et vintage. Fait que Canamic a l'air de jouer à Magic. Ouais, je t'aime, Canamic. Là-dessus, on va aller écouter un court-métrage que j'ai fait avec Jonathan Levert, que je salue bien bas, qui est maintenant en Abitibi. J'ai fait ça pas l'été passé, l'autre d'avant, et puis ben, ça vient comme d'être déterré. Je sais pas si je l'ai déjà passé à 70%. Ça me disait quoi, moi? Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Ça s'appelle World Corporation. C'est un court-métrage. Je l'ai tout regardé hier. Je suis très content d'avoir fait. Donc voilà, on est à 70% et on revient au retour. On va commencer avec les nouvelles de Bruno. Merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. Yeah! Salut! Le principe de base de toute société est la guerre. C'est fondamental. La souveraineté et la légitimité d'un État moderne résident essentiellement dans sa puissance de guerre. Aujourd'hui, c'est le pétrole. Demain, ce sera l'eau. Alex! Ah, mais. Je savais que tu te rendrais. Je suis content de te voir. Non, pas moi. Hey, où Élise? Élise est morte, man. Ben, elle morte. Niaise-moi pas. Hey, où Élise? Elle est morte. Elle voulait pas donner son flot à la corporation. Elle y a passé, comme toutes les autres. T'as-tu encore accès au réseau? Quelle esti de merde tu viens encore de m'embarquer? J'ai pas le choix, man. Y'a rien que toi qui peux faire la job. Viens-t'en, j'ai de quoi pour toi. Tu vas pouvoir nous aider. Thank you. Pour vrai? Tu me fais à craindre qu'Élise attend un kit de moi d'avant la frontière. On n'avait pas le choix, man. T'étais notre seul espoir. Espoir, tabarnak. Puis, c'est rendu comment, l'autre bord? Bah, pareil, même pire. C'est la fin d'un cycle, là, on est rendu au bout. Ça donne bien, c'est justement pour ça que tu sais. Ça, c'est du timing. Merci. Toc. Papa, viens voir vite. Attends un petit peu. Tu sais qu'est-ce que ça va faire? Toutes les codes sont là-dessus. Papa, papa, viens vite. Oh shit, les gars. Hey, les filles. Ah ouais, let's go, on s'en va en haut. Cachez-vous, cachez-vous. Occupe-toi de la petite. Qui vit en permanence dans la peur ne pose pas de questions. Et cette guerre dont nous avons besoin devient le désir du peuple. Le sacrifice devient volontaire. Vous voyez, la peur justifie tout. La peur, c'est l'argent. La peur, c'est le pouvoir. All right. Sur douteux.tv. Sur douteux.tv, madame, monsieur, bonjour. Avec Bruno Corbin. On va starter ça tout de suite, là. Hein? Est-ce qu'on fait le niaisage, là? J'en sens tu que t'en avais plein, là. C'est sûr, là, j'en ai trop, là. Là, il est déjà 7h10, là. Pas le temps, là. Pas le temps. vindicatif, puis tout, le plat-plat, là, puis tout ça, là, non, ça aboute, c'est ça, non, on coupe dans le gras. On coupe dans le gras, on part en nouvelle tout de suite. On fait ça maintenant. C'est bon. OK. Alors, hein, on te coupe ça, bon, des TV, c'est ça qu'on veut. La police de Philadelphie est à la recherche du Swiss Cheese Pervert, qui se promène dans la ville exposant ses parties intimes en faisant l'amour à du fromage suisse devant des femmes. Si vous avez des informations concernant cet homme, vous êtes probablement à Philadelphie. Je l'avais lu ça, mais ouais. De l'entendre dire, c'est plus drôle aussi. Hein, le gars, il... Est-ce là l'origine du fromage Philadelphia? Merci, bonsoir. C'est pas tous les avions qui décollent. Hey, mais... Let's go, Bruno, un autre. Là, d'accord, une femme de Londres poursuit son avocat et son équipe pour négligence professionnelle parce qu'ils auraient failli à leur tâche en n'exposant pas les conséquences inévitables d'un divorce. En effet, son équipe légale aurait omis de lui expliquer qu'un divorce mènerait à la fin de son mariage. Tu me niaises? Le gars, il a dit « Je veux avoir un divorce ». La fille. OK. Mais lui, il avait pas compris ce que ça impliquait. Là. Elle avait pas vraiment totalement compris ce que ça impliquait. Est-ce qu'un con? Est-ce qu'il y a sa définition à elle de c'est quoi un divorce? C'est pas clair. Elle voulait. C'était pas dans ses valeurs chrétiennes d'arrêter un mariage. Mais elle voulait un divorce. Mais donc elle voulait arrêter d'être avec son mari. Je sais pas. Non, non, c'est bon. Je pense que l'alcool serait peut-être en cause dans la situation. Peut-être. Michael Corsey de Waco, Texas, fait face à des accusations de voies de fait graves avec une arme mortelle après avoir poignardé sa blonde à plusieurs reprises. Pour sa défense, il semblait que sa blonde ait amené de la pizza au lieu d'un sandwich au poulet comme il avait spécifiquement demandé. Oh ben, t'avais une chose à faire. Ben oui. J'en veux pas gros. T'sais, à un moment donné, Waco un sandwich au poulet. Franchement. Fait que là, il a poignardé ça. À plusieurs reprises. Ça, c'est synonyme de gros câlin qui plein d'amour. Ou... Oui, c'est ça. Non, c'est synonyme de tu t'es trompé dans la commande. C'est ça. C'est ça que ça veut dire, Tommy. C'est même pas un crime dans ce temps-là. T'as-tu déjà eu des blondes, toi? T'as pas de l'air bien bon en relation pour catcher les signaux, hein? Non, ben écoute, on recommence, on réessaye. À chaque fois, hein? Hey, mais je suis pas du genre, moi on me demande un sandwich au poulet là. Moi j'amène un sandwich. Toi t'amènes un sandwich au poulet, ouais. Je suis pas du genre à écoute là. Mais mettons qu'il y en a pas là de magasin. Ah oh, ok, regarde, on va passer à autre chose là. La police est sur les traces d'un homme qui est entré par effraction dans une station-service de Newington au Connecticut en reculant à plusieurs reprises dans le bâtiment avec sa voiture afin de pouvoir manger une banane et s'en aller. C'est tout, rien d'autre. Sont sur ses traces. Là, il y a des photos du gars. Il y a des photos du gars qui est en train de manger sa banane tranquillement dans la station. Il a pas volé une banane puis il s'est sauvé. Là. Il a pris une banane, il l'a mangé sur place. Il l'a-tu payé? Non. Il a pas payé la vitre qu'il a pété avec son char non plus, je pense. Ça, c'est un vol de dépanneur. Ouais, c'est un genre de vol de dépanneur. Ça, c'est un vol de dépanneur. C'est un genre de vol de dépanneur. Ça compte. Puis, dépanneur de station-service. Le juge l'accepte. Ah ouais. Et pour terminer ce bloc, le sénateur de la Virginie, Thomas Garrett, a décidé de suivre dans les pas de son prédécesseur Ken Cuccinelli, qui n'avait pas réussi à faire passer une loi interdisant le sexe oral aux adolescents. En effet, le législateur vient de passer une loi qui permettra les actes de sodomie ou d'amour oral entre les adultes consentants seulement. Ainsi, les 15 à 17 ans n'auront droit de faire l'amour que dans le vagin, mais pas dans la bouche et dans le trou de pète, parce que c'est Dieu, là, pis tout. Le monsieur s'occupe de nos intérêts importants. Oui, voilà. Et voilà. Enfin! Vous avez beaucoup de nouvelles américaines cette semaine? Oui, il se passe pas mal de stock aux États-Unis, je pense. Est-ce que tu sens la révolution, Bruno, 2014, soulèvement? Des Américains? Collapse, genre, tout va mal, oh, l'économie mondiale. L'apocalypse, qu'est-ce qui arrive avec ça, l'apocalypse? Ça fait-nous peur, quelque chose? Ah, vous allez tous mourir? Oh, il a essayé. Ah, ouais, okay. C'est bon, ça? Non, alors, on a entendu aux nouvelles, man, capable. Hey, parlant de faire peur, j'ai trouvé une pub, je sais pas si c'est officiel, la toune le semble, ça parle de Regina, la capitale de Saskatchewan. Et ça sert à essayer de nous donner le goût d'aller faire un tour. Ah! Oh. C'est donc. Moi, je suis déjà allé à Regina en plus, hein? J'essaie de le trouver. Voilà. Experience Regina. Ah, oh boy. douteux.tv, 70%. Check ça, comment tu vas avoir le goût d'être là, Bruno. Puis au retour, ça devrait être Mathieu. City of Saskatchewan with around 200,000 people and a devotion to ecology that has resulted in a system of over 100 parks. City Hall is part of a cluster of modern buildings in the downtown area. It's a highly livable city that pulses with the energy of dynamic business leaders. Museums like the Regina Plains Museum preserve and interpret the cultural, social, and economic development of the area. Tommy, merci. C'est une commandité, c'est commandité ça. Ma blonde trouvait ça aussi, elle. Ouais? Je te passe le compliment. Ah, ben cool. Il y a un gars qui a dit que je ressemblais à Dr. Wu. Ça m'a pas fait changer d'orientation sexuelle. Lequel? Parce ouais, que... c'est ça. Il y en a genre 19. Hein. Un gars, je suis pas sûr, je peux... celui-là avec les cheveux de même, là, les cheveux de même. Celui qui te ressemble. Tu ressembles aux 12 des Dr. Wu auxquels tu ressembles le plus, genre. Je sais pas c'est quoi, mais j'apprécie le TARDIS. Okay. Bref, c'est, non, mais l'idée du TARDIS, c'est pas pire. Cette semaine, ça filait pas, hein? Non? Non, oh. Je trippais pas. Puis, fait que pour me détendre, j'ai voulu écouter des films d'action. Chez nous, j'ai une vieille collection de DVD, tu sais, tout du Stallone, je trippe sur ce vieux stock. Puis, fait que mon fils, il vient me voir, mais ça a pas marché. Ça a pas marché. Mon fils, il vient me voir, il dit « Papa! » C'est-tu toi comme le lecteur de DVD au vidange? Je dis ouais, ouais, c'est moi. Ben il dit papa, les vidanges, c'est pas le mur du salon, tu sais. C'est parce. Non, mais c'est parce que d'habitude, ça se passe en trois étapes, tu sais. Pogne les nerfs, pète l'affaire, poubelle. Mais là, c'est comme s'il y avait eu une fissure dans le processus, puis que l'étape poubelle avait été remplacée par jamais dans le mur. Ah! Ça revient presque au même. Ben presque, tu sais. En tout cas, c'est en trois. Une fissure dans les deux sens. Voilà. que ce soit hein, dans les lieux publics ou dans l'intimité de ma demeure, j'ai cette tendance à fissurer l'environnement en général. Hein? Ce qui m'a occasionné ce que mon père appelait les 3 P. Hein? Pète, prison, procès. Dans cet ordre-là? Ah ben, ouais, oui, dans cet ordre-là. Ça, c'est la règle que j'ai testée hein, le plus souvent dans ma vie. Hein. Celle-là, puis qui aime bien, châtie bien. Ça j'aime ça. D'ailleurs, hein, comme pour me remercier là, de ma contribution à l'univers, il y a 2 ans, le ministère de la Justice m'a appelé personnellement. Ah oui, bonjour, c'est le ministère de la Justice. Je lui dis, oh, je pensais que t'avais une plus grosse voix. pour me demander, hein, pour me demander s'il pouvait utiliser une partie, hein, de mon dossier criminel pour aider la poudre de soutènement du palais de justice lui-même, hein. Pis je suis pas le seul là-dedans, là, dans cette situation-là. Dan Lenoir, Fred Lapioche, Cédric Ladandelet. Des escrocs honnêtes. Des gros noms de l'industrie. Oui, qui m'ont tous confirmé sous le couvert de l'anonymat, Tommy, qu'eux autres aussi y avaient été sollicités, hein. Laisse-moi te dire qu'en tant qu'artiste, j'ai senti que mon travail n'était pas reconnu à sa juste valeur, hein. C'est comme ça. On se sent piraté. Un peu. C'est dommage. Il y en a du papier. Dans le dossier, hein, mur contre machine, il y a aussi un miroir gravement atteint. Et étant moi-même un spécialiste de la destruction, je n'ai pu que constater l'irrécupérabilité de la chose. Mais ça, je le compte pas, le miroir. Là. C'est pas de ma faute, c'est de la cause du lecteur de DVD. Il y en a qui appellent ça la conséquence d'un geste irréfléchi. Je préfère le terme « rebound hein? ». Ou « rebond » pour les francophiles. Oui, un terme sportif pour décrire cette colère qui me semble sportive. En même temps, hein, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, la sculpture spontanée. Là, dans le milieu, on appelle ça de l'art impulsif. Puis c'est surtout les propriétaires, en fait, les propriétaires de bars, de chars, de femmes. Même le propriétaire de mon appart, il est pas vraiment d'accord avec ça, en fait. Il est venu me jaser. Bruit et plainte, suite à une plainte pour bruit. Puis quand il a vu ma sculpture, il a pas trippé. Ben, ça a été plus fort que moi, j'y ai menti. Hein? J'ai dit, ben oui, toi, j'écoutais un film d'action, puis là, paf, le lecteur est comme plongé dans le mur. Hein? Probablement pour éviter une balle, tu sais, ça tire pas mal dans ces films-là, puis aujourd'hui, avec les TV 3D, on sait jamais. Hein? Mais ça a pas passé. Il aime pas ça, puis il veut que je l'enlève. Hein? Tu vas toujours trouver quelqu'un pour pas aimer ton art, tu sais. C'est vrai, ça. Mais ça, c'est pas grave. Puis parlant d'intolérance, j'étais en train de voler à l'épicerie tranquille, avant-hier. Puis il y a une petite vieille qui m'accoste. Moi, je l'avais vue au loin, mais tu sais, t'as beau être level 23 sneaky, sans ta cape d'invisible dans une épicerie en plein jour, je me disais, tu sais, m'en revenir cette nuit voir si elle donne une mission. Je vais avoir moins de garde, puis je vais pouvoir me cacher dans l'obscurité. Mais non, elle se met à me dire, devant toutes les gardes en plein jour, elle se met à me dire, « C'est-tu vous le gars des internets? Vous savez, là, celle-là que j'aime pas! » On ouvre le dialogue. Il dit « Celle-là que j'aime pas, c'est très certainement moi. » Elle dit « Vos niaiseries, là, sur les homosexués, là, ben, je les aime pas. Je les trouve vulgaires, puis vous êtes un arrogant. Vous saurez que mon petit-fils, il est homosexué depuis sa toute première naissance, ça l'a pas empêché de devenir un homme charmant. » Un excellent coiffeur, pis il reste juste à trouver une belle grande femme qui puisse déménager avec son coloc, là, Stéphane. Lui, il vient depuis une couple d'années à Noël. Vous devriez boire la coupe de cheveux. C'est lui, c'est un fifi. Il parle fort, pis il s'envoie les mains. Pis le pire, c'est que mon petit-fils, il embarque dans ces affaires-là. Fait que les deux, ils s'envoient les mains, pis ils s'envoient les mains. Ben, vous savez qu'on le juge pas chez nous. Pis qu'on l'aime comme on peut. Pis qu'on fait ce qu'il y a à faire, pis qu'on prie le bon Dieu. Le sexuel de mon petit-fils pis des autres, pas une place parler de tout ça dans les internets. Vous êtes mauvais. T'en mets à ta place? Oui, hein? Bah, ni une ni deux, hein. Je l'ai poussé dans le comptoir des légumes et je suis décalissé. Et anyway, oui, c'est probablement pas moi, là, son gars. Je n'ai toujours fait que des métaphores au sujet de la sexualité des gens de même sexe, Tommy, tu le sais. C'est vrai. Puis il n'y a pas l'air du genre à comprendre les métaphores. Non plus. Je pense que cette maladie. D'ailleurs, ça me rappelle cette fameuse blague retravaillée en message social qui avait fait un grand succès à l'époque. Je la fais ici. C'est pète puis répète. Deux homosexuels qui sont dans un bateau à vapeur et à voile. Pète tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Répète. Ouais. Qui ce jour-là a perdu un ami, un frère, mais surtout un mari aimant. Pète est décédé, laissant dans le deuil outre l'homme de sa vie. Répète, un homme amoureux et heureux d'avoir eu le droit de vivre son amour dans une société tolérante. Ses deux enfants, adoptés en Chine et au Pakistan. Une fillette de 5 ans nommée Gasoline. Et un fils, Prout. La famille acceptera les dons durant la cérémonie et tout l'argent ira à l'association des noyades évitables due à une mauvaise blague. Bref, hein, hashtag fuck l'intolérance, vive l'intégration. Ce n'est pas une crise de folle qui va rendre mon Québec intolérant. J'y veillerai personnellement. En terminant, non, mais c'est comme ça. Non, une grosse promesse. Ah oui. La semaine prochaine, mon fils était supposé d'aller dans un camp spécial en Irak pour étudier les effets d'une nouvelle technique de persuasion. Ouais. de première main, genre. Bon, ouais, ben non, mais je suis pas au courant de tout. Ça a rapport avec Miley Cyrus, la piste de chat, puis ben des décibels. mais on va être obligé d'annuler tout ça. Il va rester à la maison avec son père. Hein? Puis ensemble, on va apprendre à plâtrer un mur. Puis si tout va bien, hein? Si tout va bien, ben on aura peut-être le temps d'aller se voler un lecteur de DVD en famille. Sorti père-fils. Mon père, il disait, hein? Un de perdu, 10 de volé. Ben. Et là, Tom, et si vraiment, là, si vraiment l'univers des possibles s'aligne dans la bonne direction, ben la règle des 3P va se pointer à nouveau, hein, pick, plug, pet. On va encore tourner en rond, pis ça, c'est ce que les tigres font le mieux. Merci beaucoup, Mathieu. Et ça. On a mentionné sur le chat qu'à la fin du clip de Regina, tantôt, il y avait un utérus. Oui. Et quand on a parlé ensuite, oui, j'avais downloadé la photo, ça se revoit assez facilement. Et puis là, ben, après ça, je me suis dit, quand que vous avez parlé de Vagina, que c'était très drôle que le monsieur qui est caché au Canada, il appelait ça comme ça. Je me suis dit, c'est peut-être un message que Regina, ce n'est pas... Ben voilà, parce qu'il y avait un X dessus. Ben c'est ça. Ouais, c'est voilà. Subliminal, là, ça passe vite. Et voilà. Donc, quel message est passé? Ouais, mais il y a deux, sur le long de l'autoroute qui te rend Regina, il y a comme deux grosses montagnes humides. Puis je pense que c'est ça qui m'aide ça le monde. Ça porte sa confusion. Ouais. Je voudrais dire aussi que Canamic, sur le chat de Douteux, vient de dire que lui ou elle aussi le trouvait drôle, la joke de fromage Philadelphia. Okay. Ben ouais, ben ouais. Crème, il veut se faire des amis dans la gang. Il aime Magic, il aime tes jokes. C'est très bien parti. Excellent. Bon, on va écouter deux clips d'affilée ce fois-là. Pour moi, il va y avoir Bubble Butt et le choix de Giz. Ça veut dire Xbox One versus Nintendo 64. Tellement pertinent. Merci, Mathieu. Oh. On a un message de Windows qui est au ben micro. Ben oui, ben oui. On est content. Fais quoi? Fais no. Puis double clic. Oh! Oh! On est content d'avoir. Merci Mathieu, avec ta petite danse. Je pense qu'il va falloir que tu reset KM qui a décidé de nous faire chier pendant le direct du show. On aime beaucoup KM. Ces temps-ci, l'acteur KM Player qui était un allié précieux pendant les premières années. Ça marchait bien avant. Et qui s'arrange pour être métamorphosé en quelque chose d'autre. On vous laisse avec Mathieu et DJ Georges. On fait un peu le skit de difficulté technique. Ah, c'est beau, t'es derrière Windows. peux-tu tasser ton micro pis ta... Ah oui, c'est bien. Il fallait vraiment que tu tasses pour qu'il voit ou clique. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. Veuillez demeurer en ligne pour conserver votre priorité de visionnement. C'est déjà le nom du logiciel du plan? C'est KM. Il est là. Saviez-vous que vous aviez la possibilité de voter chaque semaine pour le film de la semaine à douteux.org? Les gens cool votent. Oui. En fait, on tient l'update. Le mieux, c'est de nous suivre sur Facebook et de faire confiance à Mathieu. Et vous essayez notre Facebook. Allez faire un tour. C'est gagnant. Giz qui relève le défi tranquillement. Tiens, j'ai préparé une danse dans le fond. Ah oui, c'est vrai. Hein? Les gens qui pensaient que ça servirait à rien. Hein? Faut pas les écouter. Vous écoutez cette émission en archive? Vous pouvez avancer ce bout-là. Saviez-vous que Tommy Godet a deux couilles droites? Pensez-y. Hey, on y est arrivé. Oh. Merci Giz. Merci Mathieu. Merci DJ George. Yeah. On revient avec Bruno pour la fin de l'émission. Dans un sous-sol de banlieue, il y avait une petite fille avec une planche à repasser. Elle animait des galas et gagnait des prix. Tout ça devant sa visite. Véronique Cloutier dans nos TV. Véronique Cloutier en tournée. Véronique Cloutier toute l'année. Du bain beau linge à l'aubainerie. Des chandails pis des bijoux. Yeah, yeah, yeah. Il y en a pour tous les goûts. C'est pour quand le parfum Véro. Véro, Véro, Véro. Quand t'étais à fureur, t'avais vraiment du fun. Mais t'as décidé de partir. T'as laissé ta place à tes amis, ça c'est gentil. Oui, ça c'est vraiment très gentil. Mais la prochaine fois, pense un peu à moi. Car à moi aussi, tes restants me conviendraient. À la télévision ou à la radio, on pourrait peut-être co-animer. Ou peut-être se mettre à chanter. Ça c'est peut-être pas une bonne idée. Faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Véro, Véro, Véro. Si je remplis la boîte de cochonnerie à ta fille. Pis si j'écoute Les Dangereux au moins 30 fois. Pis si j'achète toutes tes collections pis tes crèmes. On pourrait peut-être même être frères et sœurs de Freakos. Oh, pense-y, frères et sœurs de Freakos. Oh oui, frères et sœurs de Freakos. Oh bébé, j'arrête ça. Véronique, Véronique. C'est ton prénom au complet. Véronique, Véro, maintenant tout le monde t'appelle. Véro, Véro, Véro, Véro. Véro, Véro, Véro. Dans chambre en ville, du beau linge mou, du beau fluo. Je t'avais écrit une lettre quand j'avais 11 ans. Voisine aussi, tu lui as répondu la même chose. Je ne t'en veux pas, je t'ai pardonné quand je t'ai rencontré à feu TQS sur Flash. Sur le pupitre. Francis, tu es tombé. Je te l'ai toujours dit, même écrit, comme disait Geneviève, ça serait génial de pouvoir co-animer ensemble. Fie-toi sur moi, pas ta poire, ça va arriver durant l'année ou la prochaine. Ton magasin, je lis souvent sur mon divan, sur mon divan. Ton beau Richard, c'est fini, montre-lui la sortie. Je ne conduis pas, on se promènera dans un taxi. Belle Patricia, appelle-moi donc, on animera, on s'arrête. C'est tellement un beau moment tout ça, hein? C'est oui. C'est quoi son nom? C'est Yves Parent. Oui. Yves Parent qui s'était donné un défi de piger un nom d'une célébrité québécoise puis de faire une chanson sur cette personne-là, sur un air connu, à chaque jour. Il en a fait 4 finalement. Donc on vient d'en entendre 2, il y en a une troisième qui part à l'instant. Si tu crois. T'es 40, tu penses avoir tout vu à la télévision. J'ai le goût qu'on regarde Bruno pendant ce temps-là. Bruno Caprice. Ah, je suis sur Facebook, vous m'avertirez quand vous aurez fini. Là. Puis là, ben, aujourd'hui, je suis allé voir en me disant il avait dit qu'il en ferait une à chaque jour. Fait que là, il doit en avoir 2-3 nouvelles. Tu sais. Puis finalement, non, il y a un seul nouveau vidéo qui lui explique qu'en fait, c'était sarcastique, humoristique, pince sans rire. Et que tout ça, c'était pour un projet sur les réseaux sociaux, en fait, pour voir combien de temps ça prendrait avant que ça voyage partout. Donc, ça a-tu voyagé partout? Ben, ça s'est rendu jusqu'au mur. Je suis sur Facebook, puis j'en vois pas, là. Ben, ça tient pas aux bons endroits. Il était jusqu'au mur de Radio Cochonnerie. C'est rendu jusque-là. Et donc, après 3 tonnes, il a décidé d'abandonner le projet. Après 4. 4. C'est ça. C'est, en tout cas, puis de faire semblant qu'il n'a jamais eu ce projet-là vraiment. Donc, c'est un peu Radio X comme attitude, mais on va lui laisser la chance. Peut-être qu'il va reprendre l'inspiration puis en sortir d'autres. Ah, voilà, il est tellement taquin. Donc, Yves Parent, si vous en avez besoin pour une parodie rapide, on sent que le gars a plein de bonnes idées. Et puis, en plus, il vient de ramasser des données sensibles pour être réutilisées dans la diffusion d'un projet. C'est ouais. Confirmé, il a cancellé après 4 jours, il y a eu assez de données. Donc, ouais, ça n'a pas pris plus que ça. C'est de toute beauté. Alors, on est vraiment avec Bruno et oui. Monsieur Fromager en background. Bruno, oui. Nouvelle de l'univers, il t'en restait 4. Nouvelle de l'univers, il m'en reste 4, effectivement. Alors, Thomas Clardy, un proxénète de Portland en Oregon, a été arrêté pour avoir brutalement battu un client avec un de ses souliers après que le client ait refusé de payer une prostituée. Clardy poursuit maintenant la compagnie Nike, fabricant du 10 souliers. Oh, ben oui. Le gars, il poursuit la oui. compagnie qui a fait le soulier. Dans sa plainte de 3 pages écrite à la main de sa cellule, il affirme que Nike a omis d'avertir des risques potentiels ou de fournir un avertissement ou des instructions. Il ajoute que leurs chaussures sont un produit potentiellement dangereux. Il assurera son propre plaidoyer. Hey, ça... On lui souhaite bonne chance. Hey, ça, tu vas nous tenir au courant. C'est toute la... C'est pourquoi je me lève chaque matin. Merci Bruno, continue. Ça fait plaisir. Alors qu'elle s'astinait avec son chum à propos de l'existence des extraterrestres, Jennifer McCarthy, non pas celle-là, là, une autre, est allée se changer et est revenue en petite tenue, ayant caché un pistolet dans son vagin. Le couple aurait alors commencé à faire l'amour sexuel quand McCarthy aurait demandé à son chum « C'est qui est fou, hein? C'est qui est fou? » Répondant à elle-même à la question en se mettant un pistolet dans le vagin, évidemment. Elle aurait ensuite sorti le pistolet afin de menacer son chum, le pointant sur sa tête pour le potin. Jennifer McCarthy est l'ex-femme de Cormac McCarthy, auteur à succès américain. Et voilà. Ben, que de stabilité mentale. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Ben, en nous, tout cas, on peut pas faire grand-chose. Elle a eu un fils avec. Voulez-vous que je continue? Ah oui? Ouais. Le fils s'appelle Équilibré. Équilibré McCarthy. Équilibré McCarthy. La représentante du Kentucky, Leslie Combs, était en train d'enlever les munitions de son fusil quand il s'est déchargé accidentellement. Et elle était dans le Capitole de Washington, bien sûr. Pour sa défense, la démocrate affirme que c'est des choses qui arrivent. C'est vrai ça. Oui, voilà. Ouais, quand t'as une arme, hein. C'est des choses voilà. Qui arrivent, voilà. Personne n'a été blessé lors de l'incident, heureusement. Le monde, c'est beau, hein. Une mort. Et finalement... Je sais pas si la technique est encore en train de me suivre. Non, non, tout va très okay, bien. C'est bon. Là, on a l'image de la très belle politicienne. Bon. Alors finalement, Paul Moran, un homme de l'Irlande du Nord, a causé plus de 3000 livres de dommages après avoir déposé ses excréments sur une chaufferette afin de faire une expérience d'alchimie. L'alchimie. Oui. L'homme a plaidé coupable à des accusations d'incendie volontaire et passera 12 mois en probation sorcellerie. Oui, pour avoir tenté de transformer de la merde en or. Et pourtant, ça fait 60 ans que Hollywood fait ça. Oh yeah, merci beaucoup Bruno. On va écouter un clip qui me tape immensément sur les nerfs. Mais bon, on l'a croisé. Il s'appelle Major Butt, Bubble Butt. En tout cas, on est à 70%. Merci à Mathieu, merci Étienne. Merci Bruno, merci Giz à la console. Ça m'a permis de prendre un petit break. Là, dans le fond, je me rends compte que pas grand chose à faire quand je m'occupe pas de la console. Au moins, j'étais avec vous autres, les gars. Reste en onde parce que dans quelques instants, ça va être à comprendre. On va parler de Death Warrior. Oh yeah. Hold still, bitch. Okay, I'm gonna look like a slut. How do I look? I look like a f***ing whore. Cool. Post it now. I'm trying, bitch. I only have one f***ing bar. My locks like my crop, I'ma show you all my turn around, stick it out, show the world you gotta. Bumper. The booty so smooth, can't believe it's not butter. I go in from under, she wetter than the surfer. I ate the bass, I'm about to start burping. I burp and re-lick the bottom of the surface. I loaded my clip in and told her don't get nervous. I'm a bang bang shitty bang bang bang killer. Lick a bar like a dribble, put you in a pickle. Nipple on my why you tripping? I'm a crazy individual. Never do minimum drive-ins, Billy too. Damn, talk much, I don't want interviews. I'm trying to get into you, then make you my enemy. Not playing, got the big man, me don't like flat screen, need a 3D. Bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you gotta. Bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you gotta. The power of Grayskull. I have the thing that I talked about dans la phrase d'avant. Bonjour, c'est Tommy Godette qui est très content d'être avec vous pour parler du long métrage de ce soir à douteux.org. On est encore dans notre rétrospective du millénaire. Ça veut dire qu'on a commencé en fait en 2000. Non, je vais commencer du début mon explication. C'est souvent fait dire que le douteux, c'est surtout des vieux films, des vieilles affaires et blablabla. Bla bla. Et pourtant, ben, ça n'arrête pas. Les productions culturelles récentes méritent tout autant que les plus vieilles d'être questionnées. Peut-être encore plus de nos jours de la manière du cash, du budget investi. Tout autant que peut-être des thématiques utilisées ou du recyclage immonde qui se passe en culture ces temps-ci. Et ce soir, on est face à un concept très, très recyclé qui sent fort, fort le Eric Roberts. On s'excuse si vous êtes en train de manger. Mais bon, on parle de Death Warrior, qui est un film de 2009. Un film canadien mettant en vedette Hector Echavarria. Voilà, on l'a ici. Et il y a l'autre à côté qui s'appelle Kevin Jardine. Ouais, c'est ça. Je vous parlais de gros stéréotypes éculés. On voit, il y a des grilles et il y a des messieurs qui sont virils. C'est donc, oui, on le déduit assez rapidement, un film de tournoi. Le film de tournoi qui est un concept qui existe très très cher aux douteux. Et donc, on se lance dans un petit texte que j'ai écrit sur Death Warrior de 2009. Il nous reste ensuite 2010, 2011, 2012. Et je pense qu'on va avoir prouvé que le douteux continue à être produit en bonne quantité. Et voilà, on a le réalisateur ici, Bill Corcoran. Et que malgré que nos intérêts personnels, à nous les membres de douteux.org, soient beaucoup plus dans les vieilleries qui sont passées sous le radar des gens ou qui ont tendance à aller vers le fin fond du garde-robe, ça vaut la peine de peut-être donner un petit peu d'attention aux affaires nouvelles et récentes. Bam! Donc, Death Warrior. La traduction, en fait, je veux dire, on a le film en français ce soir et la version française de Death Warrior se nomme Death Warrior. Il faut pas se laisser avoir. Aucun acteur connu, vraiment, sauf peut-être l'acteur principal, Hector Echavarria. Un Argentin de naissance et kickboxer hardcore 7e dan en 3 styles. Lui, il était payé pour mettre son pied dans le visage de des inconnus. Oui, peut-être pas des inconnus à un moment donné, là, mais bon. On dit sur Wikipédia que c'est lui qui aurait donné sa chance à Georges Saint-Pierre dans le film de ce soir. Death Warrior qui se veut une belle collection de sportifs transformés en acteurs. On a notamment Keith Jardine, duquel je parlerai plus vraiment. Un ex-UFC qu'on a pu savourer à sa juste valeur dans Gamer et Crank 2. Deux des meilleurs films de 2009, trônant à moins 8 chacun. C'était vraiment du grand cinéma. Donc c'est un film de combat, et qui dit film de combat, c'est très très très bien film de combat. En fait c'est plus un film de tournoi. Ça se passe dans l'arène de la mort très souvent, et celui de ce soir se passe dans l'arène de la mort. J'ai développé longtemps par le passé sur le concept de l'arène de la mort. Aussi je m'y étendrai pas trop maintenant. Disons pour l'instant que l'arène de la mort est une attitude, un concept, plus qu'un endroit défini. En fait, l'arène de la mort, peu importe l'apparence qu'elle prend, n'est régie que par une seule loi. Une seule loi est appliquée dans l'arène de la loi, et cette loi très simple sera l'entièreté de ma prochaine phrase. Dans l'arène de la mort, l'unique loi est qu'il n'y a pas de loi. Et comme le film pratiquement au complet se déroule dans l'arène de la mort, il va y avoir pas mal de morts. Mais pas une quantité incroyable, mais des morts de qualité. Et oui, oh, qualité. Donc, le vecteur d'action de l'histoire, c'est Ivan, joué par le canado-italien Nick Mancuso, qui est dans 4 films par année depuis 25 ans, mais qu'on connaît surtout pour son rôle de méchant. De méchant avec 3 lignes de texte à prononcer, de dedans cuirassé en péril. Ivan dans le film de ce soir est méchant. Ivan est très méchant, genre très très très méchant. Oui. Pour son plaisir et sa fortune, il kidnappe des combattants et les force via manipulation et autres tricheries de méchants, genre vraiment méchant. Il provoque les gars à s'entretuer dans des matchs dans l'arène de la mort. En fait, méchant de même, tu fais plus ça pour le cash ou la gloire, tu fais ça parce que t'aimes ça, t'es bon là-dedans, pis tu veux t'améliorer. Il va injecter un poison à la blonde du héros, le forçant ainsi à tuer plusieurs personnes pour sauver une seule vie. Dans cette litanie de combats sans fin, il va croiser comme adversaire JSP, Georges Saint-Pierre, le vrai de vrai, là, pendant qu'il... qui était encore un homme qui était pas pissou, retourné avoir des commotions, là. Et tellement d'autres de ses collègues combattants qu'on se demande quand il prend le temps de guérir les nombreux coups d'en face qu'il va manger pendant... Le film dure diégétiquement, là, moi je dirais c'est 3-4 jours le film au complet, et le héros se bat, je dirais 5-6 fois, puis ça finit avec des talons d'en face, des munchs, des bras déplacés, en tout cas... Il guérit vite, le héros, c'est ça que je veux dire. Vraiment, je suis très content que ce film ait gagné face à l'autre qu'on avait proposé. On est devant un des archétypes de films les plus prolifiques de toute l'histoire, c'est-à-dire le film de tournoi. Puis en plus d'être un digne représentant de cet archétype de film, Death Warrior se passe dans l'arène de la mort. Donc, non seulement des gens ont cru que c'était une bonne idée en 2009 de faire un film de tournoi, mais en plus, ils ont fait ça dans l'arène de la mort. Sérieusement, wow. Ça fait de Death Warrior un film pédagogique à plusieurs niveaux. Et oui, film de tournoi, c'est un archétype du cinéma assez grand pour qu'on en ait fait une sous-division, et la sous-division mineure qui se rapporte à la sous-division film de tournoi, et la sous-division mineure qui se nomme l'arène de la mort, est encore très très très bien représentée dans le film de ce soir, et est assez grande pour qu'on ait fait une sous-division à la sous-division. Donc, on est vraiment profond dans notre propos. Sinon, chose à surveiller... pour essayer de, comment dire, survivre aux passes de blonde, ben il n'a pas tant que ça. Là, on est dedans, on va voir des tweets 2 fois. La deuxième fois, tu sens que ça tente à personne. C'est de toute beauté, les passes de blonde, quand même. Là, on reconnaît les bons moins 6 avec les passes... Et voilà la bédaine, il n'y a plus personne qui a de poils, c'est important. Sinon, chose à surveiller, donc, c'est le jeu d'acteur. Parce que quand tu parles de cinéma, appeler l'acting le jeu... C'est un petit peu plus comme sérieux. Et donc, on regarde ce soir le jeu exagéré de Ivan, le méchant qui est très, très, très méchant. Et probablement le seul acteur de toute la bande d'acteurs qu'il va avoir ce soir. C'est peut-être pour ça qu'il s'en donne vraiment à cœur joie. Il déborde d'acting dans les séquences que c'est lui. comme si on il voulait prendre la place que les autres prenaient pas. Là, vous allez voir, il y a les yeux de psychopathe, c'est très exagéré. Oui, oui. Et sinon, ben, il va avoir la qualité. Et ça m'a frappé parce que tous les combattants dans le film de ce soir sont des champions UFC. C'est du monde qui des septièmes dan de taekwondo et ces affaires-là. Et les gars, ils vont les combats sont plates. Ils chorégraphient eux-mêmes les combats. Et je sais pas si c'est le réalisateur qui... En tout cas, les plans changent aux demi-secondes. Puis tu sais plus comment que ça marche. Tu sais plus qui est en train de gagner contre qui. Puis tu sais pas pourquoi t'écoutes ça aussi à un moment donné. Mais comme il y a un munch, ben là t'es content. C'est pas mal ça. Là-dessus, on va réécouter ça ici à douteux.org. On l'écoute live à douteux.tv. Boum! Ah, tu vois, il y a eu un coup de poing, il a fallu qu'il mette deux plans. Ça, j'aime pas ça. Un coup de poing, un plan. Là, OK, s'il te plaît. Sinon, ben oui, n'oubliez pas d'aller voter. Peut-être attendre 2-3 jours sur le site que ça soit updaté. Merci à Guiz à la console encore une fois. On s'en va au brouhaha manger de la pizza. Là. J'espère que j'ai réussi à convaincre Bruno. Hein. Une demi chacun, Bruno. En tout cas, merci. Là. À la prochaine.